لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد sommes toujours dans la série de cours en guise d'explication du livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala qui s'appelle La description de la prière du prophète alayhi salatu wassalam, comme si tu la voyais, du takbir au teslim. Et cette explication est faite par Cheikh Mohamed ben Omar Bazmoul, hafidahullah ta'ala. On était arrivé à un chapitre qui avait pour titre l'arrestation du prophète alayhi salatu wassalam dans les prières. Ça c'était le chapitre général. Et il y avait des sous-chapitres à ce chapitre, avec pour chacun des sous-chapitres un titre, le premier étant Salat al-Fajr, donc l'arrestation du prophète alayhi salatu wassalam dans la prière de l'aube. On avait fini ce chapitre-là, ou ce sous-chapitre-là, et puis on s'était attaché à étudier l'arrestation du prophète alayhi salatu wassalam dans les deux unités de prière qui sont la sunna al-Fajr. Donc les deux unités de prière compris avant la prière de l'aube qui est Salat al-Fajr. On s'était ensuite attaché à étudier l'arrestation du prophète alayhi salatu wassalam dans la prière du Dhuhr. Ensuite, un sous-chapitre ayant pour titre sa récitation alayhi salatu wassalam de versets autres que la Fatiha, après la Fatiha, dans les deux dernières unités de prière. On avait ensuite continué avec le chapitre concernant l'arrestation du prophète alayhi salatu wassalam dans la prière du Asr. Puis ensuite, la prière du Maghrib, puis la sunna du Maghrib, les deux unités de prière que l'on prie après la prière obligatoire du Maghrib. Et ensuite, avec Salat al-Isha, qui est la dernière des cinq prières quotidiennes. Et on était donc arrivé au chapitre ayant pour titre, ou sous-chapitre si vous voulez, Salat al-Layl, la prière nocturne, c'est-à-dire l'arrestation du prophète alayhi salatu wassalam dans la prière nocturne, la prière que l'on prie la nuit. Et on va voir qu'est-ce que cela veut dire quand on dit prière nocturne, quel est le temps par lequel la prière nocturne débute et quelle est sa fin. On commence directement. Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit wa kana alayhi salatu wassalam rubbama jahra bil qira'ati fiha وربما أسر يقصر القراءة فيها تارة ويطيلها أحيانا ويبالغ في إطالتها أحيانا أخرى حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل وما هممت قال هممت أن أقعد وأذر النبي عليه الصلاة والسلام وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أرضاه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعتين فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع الحديث وقرأ ليلة وهو السبع الطوال je sais pas ce que vous avez dans votre édition ici. Tu as la même que moi toi ici ou pas? Qu'est-ce que tu as ici? وهو Qu'est-ce que tu as toi après là? وجع, c'est ça que vous avez, hein? وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة بسورة منها وما علم أنه قرأ القرآن كله في ليلة قط، بل إنه لم يرضى ذلك لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه حين قال له اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فقرأه في 20 ليلة. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. ثم رخص له أن يقرأه في 5، ثم رخص له أن يقرأه في 3، ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك، وعلل ذلك في قوله له: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه، وفي لفظ: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. ثم في قوله له: إن لكل عابد شرة ولكل شرة فطرة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فطرته إلى غير ذلك فقد هلك. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يقرأ القرآن في أقل من 3 أو في أقل من 3. On va déjà s'attacher à traduire cette première partie du chapitre. Donc l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il dit la prière nocturne. Et c'est donc un titre de ce sous-chapitre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, récitait dans la prière nocturne aussi bien à voix haute qu'à voix basse. Parfois, il écourtait la récitation et parfois, il la prolongeait. Donc on s'attache déjà à traduire cette partie, puis on va l'expliquer ensemble, inshallah. En d'autres circonstances, il l'a prolongé de manière excessive au point où Abdullah ibn Mas'ud, hein, qui est l'un des compagnons du prophète, alayhi wa sallam, a dit « J'ai prié une nuit avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté debout tellement longtemps que j'ai eu envie de commettre une chose blâmable. On lui demanda « Qu'allais-tu faire ?» Il répondit « J'étais sur le point de m'asseoir et de laisser le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Hudayfa ibn al-Yaman dit une nuit, j'ai prié en compagnie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il commença par la récitation de surat, hein, Al-Baqara, qu'on peut traduire par la vache. Après la première centaine de versets, je pensais qu'il allait s'incliner, faire ce qu'on appelle le ruku', hein, l'inclinaison. Mais il continua. Je me dis alors qu'il allait peut-être réciter la surat entière en 2 rak'as, c'est-à-dire en 2 unités de prière. Et il poursuivit. Je me dis alors qu'il allait réciter la sourate entière en 1 seule raka'a, puis s'incliner. C'est-à-dire quelle sourate ? Ici, on est toujours dans sourate al-Baqara. Mais il entama la sourate An-Nisa, qu'on peut traduire par les femmes, et la récita en entier, et la fit suivre de la sourate Ali Imran, la famille des Imran, qu'il récita lentement, tout en veillant à bien articuler. Quand il récitait un verset mentionnant une glorification, il glorifiait Allah. Ou un verset contenant une requête, il formulait sa demande, ou une demande de protection auprès d'Allah, il demandait alors protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il s'inclina. En une nuit, il lut les 7 plus longues sourates alors qu'il était souffrant. Et c'est là qu'on comprend, hein, le lafd que je vous ai demandé ici. Il récitait parfois dans chaque raka'a une sourate parmi les 7 plus longues sourates. Par contre, il n'a jamais été rapporté qu'il ait lu tout le Coran en une seule nuit. Bien au contraire, il n'a pas donné son accord pour que Abdullah ibn Amr le fasse, qui est un des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit « Lis le Coran complet une fois par mois. » Il dit alors, et c'est qui parle ici, hein? C'est le prophète, alayhi salatu wassalam, ou Abdullah ibn Amr. Donc c'est le compagnon qui parle ici. Quand il dit « Je dis, je me sens la force de faire mieux. » Il lui dit alors, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Lis-le en 20 nuits. » Donc la première fois, il lui a dit « Lis-le une fois par mois. » Il dit « Oui, mais je me sens la force, hein, de faire plus. » C'est ça qu'il faut comprendre ici. Il lui dit « Lis-le en 20 nuits. » Il dit « J'ai dit, je me sens capable de faire mieux. » Il, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Lis-le alors en 7 jours et pas en moins que cela. » Par la suite, il l'autorisa à lire le Coran complet en 5 nuits. Ensuite, il l'autorisa à le lire en entier en 3 nuits. Mais il lui a interdit de le lire en moins de 3 nuits. Et il en a donné la raison. Hein, comme il a dit le shaykh ici, وَعَلَّلَ ذَلِكَ. C'est-à-dire qu'il a donné l'illah, la raison pour cette interdiction. Il a dit, il en a donné la raison, c'est-à-dire celui qui lit le Coran en moins de 3 jours ne peut pas le comprendre. Dans une autre version du hadith, hein, rapporté de manière authentique à une chaîne de transmission authentique, il dit « Ne peut comprendre le Coran, celui qui le lit, en moins de 3 jours. » Puis il a donné une autre raison et dit « chaque adorateur a une période d'enthousiasme et de ferveur, en arabe qu'on appelle ash-shirra. Et toute période d'enthousiasme a un moment, de fléchissement et de trêve, soit vers une sunna, soit vers une innovation. Ainsi, celui qui a un fléchissement vers la sunna, il aura été guidé. Et quiconque a un fléchissement vers autre que cela, il ira à sa perte. C'est pour cette raison que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne récitait pas le Coran en moins de 3 jours. D'accord ? Maintenant, on va s'attacher à étudier ce chapitre avec l'explication de ce qu'on a déjà lu, des chaînes de narration qu'on a vues ici, des hadiths qu'on a lus maintenant et qu'on a traduits en français. Et on a l'explication donc de Cheikh Mohamed ben Omar Bazmoul, qu'Allah le préserve, donc un de nos chouïrs contemporains qui est toujours vivant et qui vit à la Mecque et qui est enseignant à l'université de Umm al-Qura à la Mecque. Et donc il dit هذا الفصل ذكر فيه المصنف رحمه الله ما يتعلق بقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل وصلاة الليل هي التي تبدأ بعد أن يصلي المسلم صلاة العشاء وينتهي وقت صلاة الليل إلى الفجر أو وينتهي وقت صلاة الليل إلى الفجر فإذا دخل وقت صلاة الفجر انتهى وقت صلاة الليل والمسلم يجعل آخر صلاته بالليل وترا اتباعا للسنة اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وتسمى صلاة الليل والوتر أو قيام الليل والوتر وقيام الليل وصلاة الليل هو الذي يسمى في رمضان خاصة بصلاة التراويح صلاة التراويح ويسمى أيضا بصلاة السحر ويسمى أيضا بصلاة التهجد كل هذه أسماء لصلاة الليل التي وقتها من بعد أن يصلي المسلم صلاة العشاء إلى قبيل طلوع الفجر ذكر المصنف رحمه الله ما كانت عليه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وتضمن هذا الفصل عدة مسائل ثم ذكرها Donc Cheikh Mohamed ben Omar Bazmoul, qu'Allah le préserve, nous dit donc en guise d'explication de ce chapitre ou de cette première partie du chapitre, parce qu'on ne va pas la faire complètement aujourd'hui, inshallah, on la fera peut-être en 2 cours. Donc l'auteur cite dans ce chapitre, et quand il fait référence à l'auteur, il fait référence à Cheikh Al-Albani, rahimahullah, hein, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est un cheikh qui était un cheikh contemporain qui est décédé maintenant il y a 11 ans. Si mes calculs sont bons. L'auteur cite dans ce chapitre ce qui concerne la récitation dans la prière nocturne du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez dit qu'on avait un titre général, hein, si vous voulez, c'est un chapitre qui englobe d'autres sous-chapitres. On avait dit que c'était le chapitre général concernant l'arrestation du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dans les prières. Et puis on avait fait le détail, prière par prière. Et évidemment, quand on parlait de prière, on avait dit qu'on allait s'attacher à étudier d'abord les 5 prières quotidiennes qu'on appelle as-salawat al-mafroudah, qui sont les 5 prières obligatoires pour le musulman et qui sont donc les 5 prières quotidiennes. Al-fajr, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha. On vient de prier l'isha. Hein, et maintenant, on s'attache à étudier une autre prière qui est la prière nocturne. Ou plutôt, on s'attache à étudier la récitation du prophète, alayhi salatu wassalam, dans cette prière nocturne, ou lors de cette prière nocturne. Et il convient de définir, et ça fait partie du bon enseignement du cheikh ici, de définir quel est le temps de cette prière nocturne. Hein? Et quelle est cette prière nocturne? Et c'est ce qu'il fait en premier ici. Il dit, la prière nocturne est celle qui débute après que le musulman ait prié la prière de l'Isha. Donc là, on vient prier la prière de l'Isha avec l'imam. Alors, est-ce qu'on peut se considérer en temps de salat l'ail, oui ou non? Oui. Donc il dit, le cheikh, qu'elle débute après que le musulman ait prié la prière de l'Isha. Et le temps de la prière nocturne finit al-fajr. Le temps de la prière nocturne s'arrête donc à l'entrée de l'heure du fajr. Le musulman fait que sa prière nocturne se termine par un chiffre impair, ce qu'il appelait chiffre ici un witr. D'accord ? Et ce, en conformité et dans le suivi de la sunna. Pourquoi on le fait ? Parce que c'est la manière de prier la prière nocturne que notre prophète et le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigner. Et vous savez que pour chaque musulman, il y a des conditions qui doivent être regroupées dans une action pour qu'elle soit acceptée. Hein? On avait dit qu'elles étaient au nombre de 2, et on avait cité un verset du Coran et des traditions prophétiques comme preuve à ce sujet-là. On avait dit qu'il y avait un verset du Coran, c'est le dernier verset de Sourate Al-Kahf, Sourate la caverne, hein, qui regroupe les deux conditions pour qu'une action soit acceptée par Allah de chaque musulman. Ou plutôt, je vous pose la question plutôt, quel est le but d'une adoration qu'un musulman fait? Quand un musulman fait une adoration, quel est son but? C'est une question simple, vous êtes censé savoir répondre. Hein? Je répète la question, quel est le but que le musulman a lorsqu'il fait une adoration? Hein? Exactement, c'est-à-dire que, toi tu vas déjà dans la première condition, c'est de satisfaire son Seigneur. Alors il y a une deuxième question qui découle de cela, est-ce que on peut satisfaire notre Seigneur par autre chose que le Seigneur a légiféré? La réponse est non. Donc il convient, et ça c'est la deuxième condition, de le faire de la manière qui est légiférée. Et cette manière légiférée, elle englobe les deux conditions en vérité, parce que la sincérité est légiférée aussi. D'accord? Donc la première condition c'est quoi? C'est d'être sincère. C'est-à-dire que ton adoration soit exclusive pour ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Que tu ne fasses pas ça par ostentation, hein, qu'on appelle en arabe riya, hein, ou autre, c'est-à-dire d'être sincère, de vouer l'adoration de manière exclusive pour ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième condition, c'est quoi, hein? C'est qu'elle soit conforme. C'est exactement ce que vient de dire ici le frère ici en arabe, il a dit le suivi, la conformité à la tradition prophétique. Et c'est important de rappeler ça, pourquoi? Parce qu'il se peut que quelqu'un fasse un acte d'adoration et qu'une des deux conditions soit réunie, mais l'autre ne soit pas réunie. Ou ne soit pas présente plutôt. C'est-à-dire que les deux conditions ne soient pas réunies. Or, pour qu'une adoration en islam soit acceptée, il faut qu'elle regroupe les deux conditions. La sincérité et la conformité. Sincérité, c'est, comme on a dit, c'est quoi? L'ikhlas en langue arabe. On avait vu d'où venait le mot ikhlas en langue arabe. On a vu la sémantique, hein, au niveau de la langue arabe, d'où vient le mot ikhlas. Qui sait me rappeler? Personne? Faut un peu revoir les notes là. Toi tu donnes la preuve là, c'est bien. On veut le sens linguistique du mot ikhlas. Parce que dans chaque définition qu'on donne, terminologie en islam ici ou dans nos cours, on donne toujours la définition au niveau linguistique, puis la définition dans le jargon des savants de l'islam. Jargon, ça veut dire vocabulaire, hein, spécifique à un groupe de personnes. On avait déjà défini ce terme-là. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quand on parle de l'ikhlas, on donne sa définition dans le sens linguistique, en langue arabe, et puis on donne son sens dans quoi? Hein? C'est-à-dire, bien sûr, shara'an, c'est-à-dire dans le jargon, dans le vocabulaire qu'utilisent les savants de l'islam. Personne. Tu parles du mot fitna, toi, non? Ah voilà, il y a un bribe d'éléments de réponse là qui vient d'arriver de ce côté-là. Hein? C'est quoi alors? C'est... On n'avait pas dit que quelqu'un dans la langue arabe qui akhlasa al-asl aysafahu, c'est-à-dire que quelqu'un qui, ça vient, ils ont donné l'exemple, une parabole avec le miel. Pour les frères qui s'y connaissent un peu en miel, etc. Bien, le miel doit être purifié. Et l'action de purifier le miel, on appelle ça, hein, l'ikhlas, le fait de quoi, akhlasa, safahu, c'est-à-dire le purifier, min kul shawa'ib, de tout résidu qui pourrait s'y trouver. D'accord? Eh bien, donc la sincérité, le sens linguistique, ici, on nous a dit toujours, nous aide à comprendre le sens chez les savants en islam. C'est-à-dire que quoi que ici, on trouve la notion de purification. Hein? C'est-à-dire qu'on purifie toute adoration de toute association à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que toute adoration soit vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième condition maintenant, c'est quoi? C'est la conformité, ce qu'on appelait al-ittiba'. Et c'est quoi la conformité? Conformité à la sunna, mais conformité à quoi? Et comment? Mais comment? Plus de détails. Je vous avais dit qu'il y avait six manières, six choses dans lesquelles une adoration devait être conforme. Et je vous avais donné une référence. C'était l'explication des 40 hadiths Nawawi de Cheikh Al-Uthaymeen. Dans le temps, voilà, il a déjà donné un élément de réponse ici, dans le temps. C'est-à-dire un exemple, si j'ai pris le Maghreb au temps de l'Isha, on parle de manière générale ici, ou bien par un exemple plus flagrant, si je fais le Hajj au mois de Ramadan, hein, est-ce que c'est le temps correct pour le, est-ce que c'est conforme à la Sunna? Non. Voilà, ça c'est une règle avec un exemple qu'on a donné. Le deux, le lieu. Si je pars encore une fois avec le pèlerinage, si je fais le pèlerinage et je vais le faire à Dakar au Sénégal, hein, est-ce que c'est accepté? Non. Ça doit être fait à la Mecque, on est d'accord. On a dit le temps, le lieu, quoi d'autre? L'adad, le nombre. Hein? Si par exemple je prie Al-Maghrib, je le prie 6 rak'at parce que je vais faire le double, je vais faire mieux. Est-ce que c'est accepté ou pas? Non. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu veux dire, voilà, ça plus précis. À la kulli hal, c'est pas le sujet du cours aujourd'hui, mais c'est important de maîtriser ce genre de notions-là parce que ce sont les bases. C'est-à-dire que chaque adoration, elle doit être sincère pour Allah Azza wa Jal et elle doit être conforme à la sunna du prophète Azza wa Jal. De manière générale, on va dire ça comme ça. Et le frère, il a cité très justement la preuve de Surat Al-Kahf. Il a dit « فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا » On continue maintenant ici. Donc le musulman fait que sa prière nocturne se termine par un chiffre impair et ce, en conformité et dans le suivi de la sunna. Faites que votre dernière prière nocturne soit impair, witr. Et cette prière, elle est appelée salat al-layl wal witr, ou bien des fois, qiyam al-layl wal witr. Qiyam al-layl et salat al-layl est ce qui est appelé dans le mois de Ramadan, spécifiquement, al-tarawih. C'est-à-dire que cette prière nocturne est appelée par un nom qui est spécifique, un temps spécifique qui est le mois de Ramadan, et son nom c'est salat al-tarawih, que vous connaissez. Il était appelé également Salat al-Sahar ou Salat al-Tahajjud. Ce sont tous des noms pour la prière nocturne dont le temps débute, comme on l'a dit, après que le musulman ait prié la prière de l'Isha jusqu'avant l'aube. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rapporté comment était la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce chapitre comprend donc les points suivants et puis le chéri rapporte les points qu'il a tirés de ce chapitre, qu'il a extraits de ce chapitre. D'accord ? On ne va pas tous les faire aujourd'hui, Inch'Allah. Mais enfin, on fait déjà les premiers. المسألة الأولى يشرع للمسلم إذا صلى من الليل أن يطيل أحيانا القراءة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة فقد ورد في السنة ما ذكره المصنف رحمه الله من أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل بسورة البقرة وبسورة النساء وبسورة آل عمران. Alors ici, il y a déjà un élément de réponse par rapport à un point qu'on avait déjà traité dans les cours précédents. Regardez l'ordre des sourates qui sont citées. Vous savez que le Coran, il était compilé avec un ordre. D'accord ? C'est quoi la première sourate du Coran ? Al-Fatiha. C'est quoi la deuxième ? Al-Baqara. C'est quoi la troisième ? Al-Imran. C'est quoi la quatrième ? An-Nisa. Regardez l'ordre ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié avec Al-Baqara et puis sourate An-Nisa et Al-Imran. Alors, est-ce qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi l'ordre du Coran ou pas ? Et pourquoi ? J'ai déjà donné la réponse dans un des cours précédents. Il y a une chose que je vous avais déjà dite et qu'il faut vraiment essayer de changer, c'est qu'il faut reviser les notes. C'est pas possible, à moins que vous ayez la mémorisation de l'imam Bukhari, rahimahullah, hein, de se rappeler de tout sans revoir à la maison, comme cela. Il faut absolument revoir, parce que les notions qu'on voit dans les cours qui arrivent, elles se basent toujours ou souvent sur des notions qu'on a déjà vues avant. Alors qu'est-ce qu'on tire de ce chapitre ici, de ce hadith ici? Oui, oui. Exactement, que c'est autorisé de quoi? De ne pas suivre l'ordre des sourates du Coran dans la récitation, dans la prière. Tout à fait. D'accord? Mais c'est facile de le dire après qu'il l'ait dit lui. Wa sallallahu alayhi wa sallam salat al-layl bis-sab'i at-tiwal wa hiya surat al-baqara wa ali imran wa an-nisa wa al-ma'ida wa al-an'am wa al-a'raf wa at-tawbah. تعرف هذه الصور بالسبع الطوال وكانوا يعدون الأنفال والتوبة سورة واحدة فللمسلم أن يطيل الصلاة الليل اتباعا للسنة وقد كان عليه الصلاة والسلام يطيله حتى تتشقق قدماه عليه الصلاة والسلام فقد جاء في الحديث أنه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه وقد جاء تتفطر بمعنى تتشقق وإطالة القراءة في الصلاة وإطالة لأفضل مواضع الصلاة فإن أفضل الصلاة طول القنوت ومعناه أفضل الصلاة هو الموضع الذي يكون فيه القيام للقراءة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الليل أحيانا. Alors, quel est ce premier point que le cheikh nous rapporte dans ce chapitre ici, ou a tiré de ce chapitre? Eh bien, qu'il est légiféré pour le musulman, lorsqu'il prie la prière nocturne, d'allonger parfois la récitation. Ici, le mot parfois est très important. Et en arabe, c'est ahyanan. Dans le hadith, il est rapporté ahyanan. On va voir qu'est-ce que ça veut dire dans quelques instants, inshallah. Comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, allongeait la récitation. Il a été rapporté dans la sunna ce que l'auteur a cité concernant le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié la nuit en récitant Al-Baqarah et Al-Nisa et Al-Ma'ida et Al-Imran et Al-An'am et Al-A'raf et Al-Tawbah. Ces sourates sont connues comme étant les sept plus longues sourates du Coran. Le musulman peut donc allonger la prière nocturne. Alors comment est-ce qu'on voit, hein, et ça c'est important, ce qu'on appelle chez les savants wajhul istidlal. C'est-à-dire que le cheikh, il a rapporté une preuve sur ce qu'il avance, mais comment cette preuve est utilisée pour ce qu'il avance? C'est ce qu'on appelle wajhul istidlal en arabe. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, il parle du fait d'allonger de temps en temps ou parfois la récitation dans la prière nocturne. On est d'accord? Il cite une preuve, parce qu'il faut une preuve pour chaque chose qu'on fait en islam. D'accord? Eh bien, une preuve authentique rapportée de la sunna, c'est quoi? C'est que le prophète, il a prié avec ses sept sourates. Alors maintenant, qui sait me dire comment est-ce qu'on tire ce jugement de cette preuve? Ce qu'on appelle en arabe, wajhul istidlal. Je répète ma question de manière différente. Quelle est la preuve dans ce hadith qu'on peut allonger la prière parfois? Exactement, tout simplement. C'est qu'il a prié avec les sept plus longues sourates. Donc on voit bien, il ne le faisait pas tout le temps. Donc on voit bien que parfois, il allongeait la prière. Hein? Donc on a dit que le musulman peut donc allonger la prière nocturne en conformité avec la sunna. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'allongeait au point de que ses pieds, hein, de fendre la peau de ses pieds, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté dans le hadith qu'il allongeait la prière nocturne hatta tatafattar qadamah. Et le sens de tatafattara en arabe a été rapporté comme celui de tashaqqaqa, qu'on peut traduire en français par se fendre, hein, gercer, se fendre, d'accord. Allonger la récitation dans la prière, c'est allonger le meilleur endroit de la prière. Et c'est un hadith qu'on avait déjà vu précédemment, car la meilleure des prières, c'est d'allonger la position debout. Tout le qunut. Et son sens, c'est le meilleur de la prière, c'est l'endroit où l'on se tient debout, pardon, pour réciter. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parfois, allongeait la récitation lors de la prière nocturne. Alors maintenant, il y a une question qu'on avait déjà soulevée la dernière fois, quand on voit ce genre de terme dans la sunna parfois, est-ce qu'il est autorisé à ce moment-là, est-ce que c'est une sunna de le faire tout le temps? Ou est-ce que c'est khilaf sunna? C'est khilaf sunna. D'accord? Ici, le terme, c'est quoi parfois? C'est que le prophète, ça semble parfois allonger la prière. Et on va voir que Chir, il va donner un conseil aux gens, hein, concernant ce point-là dans un instant, inshallah. Deuxième point tiré de ce chapitre, al-mas'alatu thaniya, wa yushra'u aida lil muslimi an yuqsira al-qira'ata fi salati al-layli ahyanan. Encore une fois, parfois. وهذا أيضا ثابت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أراد السنة في صلاة الليل في القراءة يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من اختلاف التنوع لا مفاضلة بينهم لأنه لم يأتي دليل على التفضيل بينهم فإذا صلى المسلم أحيانا بهذا وبهذا أحيانا فقد وفق عفوا فقد فَعَلَى وِفْقَ السُنَّةِ. Deuxième point ici. Il est également légiféré pour le musulman de parfois raccourcir la récitation lors de la prière nocturne. Alors maintenant vous comprenez bien pourquoi avant on a dit parfois allonger. Parfois le prophète s'est allongé la récitation et parfois il la raccourcissait. Et ceci a été rapporté de manière authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut donc la sunnah dans la prière nocturne, se doit de parfois allonger la récitation et parfois la raccourcir. Hein? Pour les frères qui veulent voir les chaînes de transmission, eh bien, le Cheikh Al-Albani cite toujours les sources en bas. Vous avez les références, d'accord? Vous pouvez retourner pour voir l'authenticité de ces chaînes de narration. comme le faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci fait partie de ce qu'on appelle en arabe ikhtilaf al-tanawwu'. Et ça, c'est une notion importante dont on a déjà parlé aussi. Il y a deux termes qu'on utilise, c'est ikhtilaf al-tanawwu' ou ikhtilaf al-tadad. Alors, qui sait m'expliquer c'est quoi la différence entre les deux? Il sait qu'il y a des frères qui sont juste de passage ou qui ne sont pas habitués à suivre nos cours, mais pour les habitués, ils sont censés savoir répondre. Alors, c'est quoi la différence entre ikhtilaf tanawwu' ou ikhtilaf tadad? Et j'avais donné un exemple, encore dans un des derniers cours, quand j'ai parlé de tashahhud. Donc, ikhtilaf tanawwu', lui l'a traduit déjà, c'est bien, c'est une divergence, une diversification de genre. Tandis que ikhtilaf tadad, c'est quoi? C'est une divergence d'opposition. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ces termes-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Eh bien, c'est simple. Dans le tashahhud que l'on fait lors de la prière après la deuxième raka'a, eh bien, il y a plusieurs manières qui ont été rapportées de faire ce tashahhud. Est-ce qu'on peut les faire toutes? Oui, parce qu'elles ont toutes été rapportées du prophète, alayhi salam. Donc, une fois, tu peux faire celle-ci, une fois, tu peux faire l'autre. C'est ce qu'on appelle une diversification de genre. C'est-à-dire que l'une n'oppose pas l'autre. Hein? Tandis que khilaf tadad, c'est que tu peux faire soit l'un, soit l'autre, pas les deux. Je vous ai donné un exemple. Les savants en islam, les jurisconsultes, les spécialistes de le fiqh, la jurisprudence, ils ont divergé sur un point dans la prière. C'est quand on remonte à l'inclinaison, où placer ses mains? Certains disent quoi? Certains disent qu'il faut les remettre sur la poitrine comme avant l'inclinaison, en se basant sur une preuve générale, et d'autres sur une preuve particulière, ou plutôt sur l'absence de preuve, disent que quand on n'a pas de preuve, eh bien on doit rester les bras le long du corps. Et c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une preuve spécifique. Donc là, il y a matière à quoi? À effort d'interprétation. Alors maintenant, est-ce que quelqu'un peut faire une fois sur la poitrine, une fois le long des mains du corps? Non, parce que là, c'est khilaf tadad. D'accord? C'est ça qu'il est en train de dire le Cheikh ici. Et pourquoi il parle de ça ici? C'est qu'il est deux fois... légiférer, d'allonger la récitation dans la prière, et des fois, un autre genre, tu diversifies, tu peux raccourcir ta récitation dans la prière. C'est ça qui veut dire le shirk ici, en fait. D'accord? L'un n'est pas mieux que l'autre. Ça, c'est important de comprendre aussi. Maintenant, quelqu'un pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qui est le mieux que l'autre? Est-ce que c'est d'allonger la récitation ou de la raccourcir? Mais le shirk donne la réponse ici, l'un n'est pas mieux que l'autre, car il n'y a aucune preuve rapportée qui rendrait l'un meilleur que l'autre. Si le musulman parfois prie de cette manière et parfois de l'autre, il aura fait ce qui est conforme à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Le troisième point tiré de ce chapitre, al-mas'alatu thalitha, anna al-rasul sallallahu alayhi wasallam hatha al-muslimin ala an yufridu kulla suratin bi rak'atin, wa qad sabaqat hadhi al-mas'ala, wa hadha min sha'nihi alayhi salatu wasalam fi salati al-layli, وغيرها من الصلوات أنه كان يفرد كل ركعة بسورة وهذا الغالب من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق التنبيه عليه في دروس سابقة. Troisième point tiré de ce chapitre, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a incité les musulmans à ce qu'ils récitent une seule sourate dans chaque unité de prière. Et nous en avons déjà parlé. Et ceci était ce que faisait le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dans la prière nocturne et d'autres prières. Il récitait une seule sourate par unité de prière. Et c'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus souvent. Et nous avons déjà attiré l'attention à ce sujet ou sur ce sujet dans les cours précédents. Quatrième point tiré de ce chapitre, al-mas'alatu ar-rabi'a. Laysa min as-sunnati wa la mimma jara 'alayhi 'amalu as-salaf an yaqra al-Qur'an kulluhu fi rak'atin ou an yaqra al-Qur'an kulluhu fi rak'atin. Fa inna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam qad nahaa 'an qira'ati al-Qur'an kullihi في ركعة واحدة وقال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لا يفقهه أو لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث وهذا يفيد الترغيب عن هذا لأن المقصود تدبر القرآن وقد ذم الله الذين لا يتدبرون القرآن قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وما جاء في بعض الآثار أن عثمان قرأ القرآن كله في ليلة أو أن فلان من السلف قد قرأ القرآن كله في ليلة فإن هذا لا يثبت وما ثبت منه فإنه يحمل على أنه لم يبلغهم دم الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث. Le quatrième point qu'on tire de ce chapitre concernant la récitation du prophète alayhi salatu wasalam dans la prière nocturne, il ne fait pas partie de la sunna ni de la mise de sa mise en application, c'est-à-dire de la sunna par les salafs, les pieux prédécesseurs, de lire tout le Coran dans une seule nuit de prière. Pardon, dans une seule unité de prière. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de réciter tout le Coran dans une seule unité de prière. Il dit, celui qui récite le Coran en moins de 3 jours ne peut le comprendre. Ou ne peut comprendre le Coran celui qui le récite en moins de 3 jours. Et ceci indique une incitation à ne pas faire cela. Car le but, c'est de méditer le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé ceux qui ne méditent pas le Coran. La traduction du sens de la parole d'Allah dit dans le Coran, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Surat An-Nisa, verset 82, et c'est évidemment une traduction approchée du sens. Et la traduction du sens de la parole d'Allah dit, ne médite-t-il pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Surat Muhammad, verset 24. En ce qui concerne les athars, selon lesquels Uthman a récité tout le Coran en une seule nuit, ou qu'un tel parmi les salafs, les plus prédécesseurs, a récité tout le Coran en une nuit, ceci n'est pas rapporté de manière authentique. Et ce qui en a été rapporté de manière authentique, on doit le comprendre comme le fait que le blâme du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne leur est pas parvenu. Vous savez qu'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se peut qu'il ne connaisse pas toute la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne connaisse pas tous les hadiths. J'avais déjà donné un exemple vis-à-vis d'Abu Bakr et Omar, vous souvenez? Hadith d'Abdullah ibn Omar rapporté dans les 42 hadiths l'imam Nawawi. Donc il a dit quoi le shir ici? Il faut le comprendre comme le fait que le blâme du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne leur est pas parvenu en ce qui concerne celui qui récite le Coran en moins de 3 jours. Je voulais rentrer dans le cinquième point aujourd'hui qui est un peu long et je vais m'arrêter à cela pour pas que le cours soit trop long pour vous aujourd'hui, inshallah, et pour moi aussi. Et donc on se voit peut-être sous réserve de confirmation samedi prochain, inshallah. On se tient au courant, hein? D'accord? Wa jazakum Allah khairan, wallahu a'lam, wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.